après, je vais aller des côtes de porc. Je vais aller des côtes de porc. Je vais aller des côtes de porc. Après, je vais aller au bar.